Progressive Shepherd Mix. Avec Guillaume sur Galaxy. Progressive Session Mix on Galaxy. week-end avec Guillaume sur Galaxy. sur Galaxy. avec Guillaume sur Galaxy. Progressive Session Mix on Galaxy. Galaxy Weekend. Galaxy Weekend.